À la croix, à la croix, à la croix, où je reçus le pardon, le pardon de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, à la croix, à la croix, où je reçus le pardon, le pardon de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. Colossone, Colossone, et paille mes amis, mes combats, Dieu saint et parfait. Zambe mon sang toupe oyo abungabe. Nous te disons grandement merci. Totondio mingi koleka. Pour cette soirée que tu as faite. Ponampoko oyo mosali. Cette journée que tu as faite. Mokolo malelo oyo mokosali. Cette occasion que tu nous donnes. Nzela malama okopesa kati. Invoke ton nom. Yakobelela kaka mbona yo. De t'adorer ensemble. Okumba melayo elamba. De communier divinement. Kosanga na kati na bo nzambe. De recevoir tes directives. Peko yamba. De couper l'évangile prêché. Peko yo kasanga malama kote. Voir comme Dieu veut que nous croyons. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Souviens-toi de nous, Seigneur, et visite-nous. Bénis-nous chacun. Et que chacun tire la meilleure part de cette réunion. Pardonne-nous nos péchés, toutes nos offenses, toutes nos fautes, Seigneur, toutes nos erreurs, nos failles diverses. Nous confessons sous le sang de Jésus-Christ. Croyant que tu es celui qui pardonne et que tu es sans pareil, c'est que toi Dieu te fait un et il n'y a pas de pareil, Seigneur. Il n'y a pas de concurrent. Souviens-toi de nos prières et de chacune d'elles, Seigneur. Humile notre foi à la perfection pour que nous tenions de meilleurs résultats en notre temps, que nous puissions distinguer dans cette génération et que le témoignage de Christ soit porté par tous les croyants. Oh Seigneur, aie pitié des faibles, donne-leur la force, révèle-toi au cœur pour que chacun te connaisse mieux qu'avant, pour mieux t'aimer, afin de mieux te servir. Envoie cette bouilloire de l'amour divin dans nos cœurs pour consumer l'incrédulité, toute la d'iniquité et de péché. Nous voulons être saints devant Dieu, sans tâche ni ride ni semblable. Soutiens notre foi dans la marche et parle à chaque âme. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ici. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu au chapitre 17. Matthieu 17. Nous prenons le verset 10 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'elles ne l'ont pas reconnu et qu'elles l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Baye koli batuna kiye ete. Mpona nini bakomeli bazali koloba ete ekoki ete Elia aya liboso. Ye azongisa ki ete. Elia azali nde koyampe kobongisa kama kamunyoso. Nde na zali koloba na bino ete Elia asili koyande bayebaki ete kasi basalela kiye lokola elinga kibango bongo pe mwana na moto akoyoka kampasi na maboko na bango na tango yango bayekoli bakata kintina ete azalaki kolobaka na bango mpona Yohana Mobati. Matthieu chapitre 11 Matayi mukapo ya zomi na mako le verset 13 zela kotanga zomi na misato le verset 12 Jusqu'au verset 15. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Longwa na mikolo na Yohana Mobatisi kino sasa ipi. Bokonzi na likolo ezumi nyoko mpe, banyokoli bazali nde kontunza yango. Nzambi, basakoli nyoso mpe mibeko, basakola kikino Yohana. Soko mpe bolingi koyamba yango, oyo azali Elia ye oyo azala kikoya, ye oyo azali na matoyi ayoka. Luc chapitre 1er. Luka mokapo ya yambo. Nous voyons le verset 1er et le verset 2e. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Batomingi, basila kinde komeka kosembo la kalisa ponantina na makambo mabimaki kati na biso. Lokola ba oyo ba monaki na miso na bango longwa na ebandeli ba oyo ba komi ba saleli na liloba. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botangi eloba na ye. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus Christ. Na bango ba kokinde kovanda na kombo na nkolo na biso Jésus Christ. Souhaitons à chacun bienvenue à la table du Seigneur. Totombeli mwela na mwela nyonso boye malamu na nkolo. Dans nos cœurs, nous recevions la grâce d'être éclairés. Et na mitema na biso tozinde ngolu ya kongengisama. En ces derniers jours, na nikolo oyasuka. Face aux événements prophétiques qui se sont accomplis successivement sur la terre des hommes et qui concernent le plan du salut de Dieu pour l'humanité. Dieu avait à cœur d'avoir une église et Dieu a déjà obtenu une église. Dans Matthieu chapitre 18, vous le savez, ce Dieu qui ne ment point avait dit ceci. Non, Matthieu 16, qu'est-ce que je dis? Matthieu 16, au verset 18. Okay. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand le Seigneur a parlé dans son passage, il avait à cœur d'avoir une église. Et aujourd'hui, où nous réalisons son passage, Dieu a déjà obtenu une église. Une église est en marche. Elle a commencé à fonctionner depuis des siècles et des siècles. Je ne parle pas des dénominations, mais je parle de l'église du Dieu vivant. Dieu possède sa propre église. Et à cette église-là, il a ajouté des gens comme bon lui semblait. Il a ajouté des nouveaux croyants comme lui-même le voulait. Après qu'elle ait commencé. Dans Actes des Apôtres chapitre 2, nous trouvons ce témoignage éloquent. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Au moment où nous lisons cet événement, l'église du Seigneur existait déjà. Elle fonctionnait. Et il encaissait de nouveaux croyants, des âmes sauvées. Le Seigneur lui-même les sauvait et le Seigneur lui-même les ajoutait à l'église. Donc, un groupe de dénominations, l'église du Seigneur Dieu vivant, existant sur cette terre. Et elle s'accroissait dans la paix. Nous voyons justement dans Actes des Apôtres au chapitre 9. Nous allons commencer à la bande de mon capoani bois. Et verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée. Cette église qui a commencé à exister il y a des siècles et des siècles, vous envoyez les traces ici dans les Actes des Apôtres. Cette église était en paix. Cette église doit être encore en paix maintenant. La paix que le Seigneur donne, la paix du cœur, la paix que nul ne peut détruire. La paix inoffable que Dieu a. À ceux qu'il sauve, à ceux qu'il sécurise. À ceux qui l'assistent lui-même. Qu'il a promis d'être avec eux. Il ne le sera pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et je serai avec vous. Que ça s'appelle à une onde de vos cœurs. L'église était en paix. Ecclesia, dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ça doit être de même à Kinshasa. En République démocratique du Congo. En Afrique, en Asie. En Amérique là-bas, en Amérique, au Canada, en Amérique du Sud, il faut qu'il en soit de même. Parce que Dieu est immuable. Dieu est le même. Il a donné cette paix-là. L'église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous croyons jusqu'à présent à l'existence du Saint-Esprit, à la manifestation du Saint-Esprit, à la puissance du Saint-Esprit. Nous y croyons parmi nous. Nous croyons que Dieu est fidèle parmi nous. Autour de nous. Il est le même Dieu fidèle. Et il peut produire les mêmes affaires. Il peut donner les mêmes avantages. Il peut donner le même privilège à tous ceux qui craignent son nom. Avez-vous la même foi que moi? Dieu bénisse cette sainte foi. Pour lui donner le même résultat. L'église s'accroissait. Elle n'était pas stationnaire. Elle s'accroissait. Maintenant encore, elle doit s'accroître. Parce que Dieu est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. J'aime ça. Elle s'accroît. Dans la paix. croit le nom du Seigneur. Et pas moi, mais j'en ai comme moi. L'église s'accroît. Je pensais fou, kakati, ma condition. Elle s'accroît et progresse. Et fou, kapé, et qu'elle est le l'église de notre Dieu. Et quel est j'en ai dit ça? Donc, soyons heureux d'y appartenir. Faut voir la bataille, c'est un gros, y'a quoi, ça la maman, quoi, c'est qu'elle est j'en ai. Notre église a une histoire. Bon, mais quel est j'en ai dit ça, ça elle vient de loin, elle est toujours en face de Dieu. Et elle a des promesses que Dieu a déjà fait. Il y a des promesses que Dieu a déjà fait. Il y en a d'autres que Dieu tiendra. Il y en a d'autres que Dieu tiendra. Pour le long du chemin, Dieu est fidèle. N'enzela mobimba yango zambé. Et les croyants doivent se fortifier dans les paroles du Seigneur et sa force toute puissante. Parce que vous l'aimez. Alors nous poursuivons notre thème ici. En ayant à l'esprit l'existence de l'Église, passé élogieux, un passé glorieux. Et quel que soit ce qu'elle a été, cette église autrefois, ou ce que vous ne semblez pas voir, pour le moment, parce qu'elle serait devenue autre chose que ce que vous apprenez d'elle dans le passé, mais nous avons une promesse, une grande promesse. Dans Agé au chapitre 2, Dieu a dit au verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et si l'Éternel est en lui, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Dit l'Éternel des armées. Il est Dieu qui a donné la paix à l'Église à ses débuts. Zambe moko moko apesa kiki ya Église na bandele. Le même la paix à son Église. Zambe yango moko moko zali pour la kakini na Église na final. Na suka na ye. À la fin de l'œuvre. Na musuka na musuka. Au temps de la fin. Na tabu na suka. Dans les derniers jours. Na mikolo na suka. Voyez-vous la promesse? Boni minde elaka. La gloire de la maison de Dieu dans les derniers jours. Zambe nanda ko oya zambe na mikolo na suka. Sera beaucoup plus grande que celle de la maison de Dieu des premiers jours. Ekola ekoleka yango ya liboso mpo. Dieu l'a dit et il le fera. La restauration complète est en marche. Le rétablissement total progresse. Il atteindra son point culminant. Et cette église de Dieu qui a reçu la promesse de l'enlèvement sera effectivement le dossier. Et que là, je vais entendre, si vous pouvez, préambacande, et la terre connaît seulement ensemble, seul au péché. Dans la paix de Dieu, et que, nous dirons bien de mes frères. Dieu a dit, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Zambé, alors, bien, pour naïsika, yango, ne, n'a pas fait sa kakimia, et le dit, Yahweh, n'a pas béni. Il le rétablira complètement. Il restaurera complètement. Il rétablira totalement son âme. Et il se la présentera à lui-même, comme vous le savez. C'est-à-dire, ayant la gloire. Et certes, c'est-à-dire sans péché. Sans impureté, sans suivre, dans Ephésiens 5, le verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Il est dit glorieuse, c'est-à-dire ayant la gloire. La promesse d'Agé 2, verset 9 dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si l'église primitive, celle du commencement, était glorieuse, mais que Dieu lui-même estime que sa gloire était inférieure. Dieu tiendra parole. Dans le petit groupe de ce rachet. Comme il a promis encore dans Matthieu chapitre 4. Attirez-vous que Dieu tiendra promesse. Comme dans la parabole du semeur ici. Matthieu 13, verset 27. À 30. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé dans une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Donc le diable est venu planter dans l'église, dans le champ de Dieu, même des livrets. Il a mis aussi des gens qui ne sont pas des élus, qui ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Mauvaise semence d'une mauvaise espèce et mauvaise nature. Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Et laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Amen. Et à l'époque de la moisson, nous sommes à cette époque de la moisson. Nous vivons à cette époque de la moisson. Qui était annoncé ici dans ma société. Il est déjà là. C'est vrai. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'hiver. Bon, le là en gerbe pour la brûler. Mais amasser le blé dans mon grenier. Béni soit le Seigneur. Et c'est ce qu'il va se faire dans peu de temps. Dieu va réaliser cette chose ici. Que signifie le symbole de cette parabole? Il va plus loin, Matthieu 13 toujours. Verset 36 à 43. Explication de la parabole. Alors il renvoyait la poule, ça ne concerne pas la poule. Hein, le secret du royaume de Dieu concerne les enfants de la maison. Dieu destine sa parole à ses véritables enfants. Il renvoyait la poule. Il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui. Hein? S'approcher de Dieu, avoir une intimité, une relation plus proche avec lui. Il lui dit alors, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc ici, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les vrais, ce sont les fils du malin. Peut-il y avoir des fils du malin au tabernacle de chrétiens? Peut-il y avoir des fils du malin dans chaque église? Abraham demande, mais montrez-moi là où Dieu a envoyé ses enfants et là où le diable n'a pas aussi envoyé les siens. Mais les fils du royaume, c'est ça la bonne semence. Les fils et les filles de Dieu, les vrais fils et les filles de Dieu. Pose-toi la question. Pour quelle espèce? Voyez? Parce que livrés, ce sont les fils du malin. Ce sont aussi des fils, mais du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tous les symboles sont clairs. Or, quand on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Nous y sommes. Le monde n'est-il pas arrivé à sa fin? Regardez le degré de cruauté, de méchanceté des hommes. Les atrocités qui se commettent à l'est de la République de Mbacha. Et des choses horribles qui se passent. Regardez la guerre en Ukraine. Et le degré de sauvagerie qu'il y a là-bas. Et le pape lui-même vient de déclarer ça. Et pour lui, la troisième guerre mondiale, ce qui se passe là-bas en Ukraine. Pour lui, c'est la troisième guerre mondiale qui s'est déclarée. Et ça doit nous amener à nous poser des questions sur l'humanité qui doit connaître trois guerres importantes en un siècle. Si même le pape peut voir et dire ça, qu'en est-il de toi croyant des messages? Ce qui papa qui doit arriver. Et quand la bonne bonne dans le monde, il y a toujours de la fête pour le péché, l'impudicité, le mensonge. Il y a toujours du plaisir à éprouver dans ce péché-là. Et c'est moi qui suis en train de faire voir. Et toi, tu es dans le problème de l'alcool, il ne finit toujours pas. Et pour ça, il y a comme la massanga, ici la caté. Les habilités de convoitise ne finissent toujours pas. Oh, le cosa connu la capote. Mais le pape peut voir, mais toi, tu es dans le message. Et comme il avait été, ayant les yeux pour voir. Vous allez la messe. Mais tu continues dans les distractions. Il faut que tu te ressaisisses. Il est plus tard que vous ne le pensez. Verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen. Dieu tiendra parole à cet homme. Il enverra ses anges. Ils ôteront tous les scandales. Pas étonnant qu'en un temps comme celui-ci, Les vrais anges porteurs du message de Dieu, même sous la forme humaine, ne laissent pas de bêtises dans l'église de Dieu. Amen. La sanction est une mesure. Il faut que les méchants du milieu de l'église. Paul a dit, ôtez les méchants du milieu de l'église. Il est temps de pratiquer ça dans l'église. Plus nous approchons de la fin, plus les sanctions doivent être les plus sévères dans l'église. Pour aboutir à une obéissance complète parmi les enfants de l'église. Dieu enverra ses anges. Ils doivent enlever tous les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité. Vous aimez dire amen, hein? Que c'est l'écriture sur la miraille du temps dans lequel nous vivons. L'église doit refléter ça. Il faut ôter tous les scandales. Et ceux qui commettent l'iniquité, ils pêchent si y en a. L'église doit être purifiée. Et là, je sais que je peux la. Nous devons atteindre les sommets de l'obéissance. Atteindre une obéissance parfaite. Et les anges surnaturels seront aussi à l'aise. Il y a des gens qui seront chassés sans le secours d'aucun homme. L'intervention d'aucun prédicateur. Chassé de l'église. Dieu, en ce temps, fait travailler et dans le naturel et dans le surnaturel. Je vous ai dit que notre église a un propriétaire. Nous devons libérer les enfants de Dieu. Attends-vous là. Tous les scandales d'ailleurs. Et ceux qui commettent l'iniquité. Leur place n'est pas dans l'église du Seigneur. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans les royaumes de leur père. Tu deviendras mon frère et ma soeur. Toi qui aimes la sanctification. Toi qui aimes la pureté du cœur. Toi qui aimes la vie de Dieu. La vie de ton secret. Hein? Dieu t'a promis. Que le juste resplendira. Comme le soleil dans les royaumes de leur père. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Paul lui-même étant dans ce processus, il édifiait l'église comme nous le faisons aussi pour vous maintenant. Il a dit ceci dans le Corinthiens 10. Le verset 4 à 6. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il n'y a pas de zone fortifiée qui puisse nous intimider. Nous allons entrer partout. Car le Dieu de Josué est notre Dieu. Il a dit que tout seul qui fleurit dans la terre de Dieu, Dieu vous le donne. Le même Dieu qui avait écouté la voix de Josué autrefois, il s'est levé au temps de la fin, pour faire son œuvre, il a accompli son travail inouï. Et pas écouté la voix de William Brenner. Nous allons renverser les portails. Ah, comme au temps de Zorobabel. Je parle en tant que vous, il est si toi grand. C'est notre Dieu vivant. Il fera encore de grandes choses. Il est temps qu'il accomplisse le miracle. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Là où les gens pensent que c'est leur tank, ici comme tu vas manger tu vas n'aller leur bombe de bango, bombe de zone fortifiée. Et si quand la bango est macassé, on ne peut plus sécuriser. Oui, battez la même macassé. Nous allons foudroyer. Nous allons attaquer. Avant que eux ne nous attaquent, nous sommes autorisés de les attaquer. Nous utilisons les armes offensives. La vertu de Dieu. Tout sera renversé. Nous parlons le Dieu créateur. À qui rien n'est impossible. Il dit que nous renversons les raisonnements. Ah, vous avez en face de vous des gens qui ont des raisonnements téméraires. Ils ne reculent devant rien. Ils sont tombés dans la manière de raisonner. Ils sont intimidés, effrayés, ennuyés les autres. Ils ont exposé leurs semblants. Mais nous, à qui appartient la victoire? Le cheval est équipé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à l'éternel. La victoire appartient au camp dans lequel est l'éternel. Heureux sont les fidèles du Seigneur Jésus. Nous renversons le raisonnement. Tout auteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes prêts. Aussi à pire. C'est-à-dire donner des punitions. Sanctionner. Frapper fort. Nous sommes prêts. Nous ne sommes pas lents pour le faire. Mais nous sommes aussi prêts. À punir. Lorsque votre obéissance sera complète, il faut que le plus grand nombre soit du côté de ceux qui obéissent. C'est aussi ça la croissance de l'église. On ne doit pas trouver dans l'église la grande majorité qui ne fait que le mal. C'est quoi de pareil au bout du doigt. Non, frère. Le nombre de ceux qui font le bien doit être plus grand. Ce sont les gens de croissance dont nous avons besoin. Qui aime cette vérité? Oh, gloire à Dieu. Donc, nous devons être plus nombreux parmi les obéissants. Dans les Proverbes chapitre 28, la Bible dit ici, au verset 12, quand le juste triomphe, c'est une grande gloire. Mais quand les méchants se lèvent, chacun se cache. Que voyez-vous là? Il faut que le juste triomphe. Que notre triomphe s'affirme. C'est vrai. Oui. Laisse que Dieu multiplie le nombre des justes parmi nous. Que le nombre des justes et des enfants obéissants s'accroisse. Augmente. Que l'Éternel multiplie le peuple. Le peuple des justes. Qu'il multiplie. Nous aimons ça. Hein, toi, oui. Sors de l'influence de ceux qui commettent le péché. Et qui se couvrent entre eux. Mais dans l'église de Dieu avec ceux qui font le mal. Même s'ils semblent nombreux, Dieu nous a interdit ce genre de populisme là. Mettons-nous du bon côté de ceux qui font le bien. C'est amen. Ils allaient bon mot. Hey, que Dieu nous fasse vraiment cette grâce. Pour que nous ne puissions pas nous retrouver du mauvais côté. Parce que nous soyons plutôt du bon côté. Nous ceux qui font le bien. Gloire au Seigneur. Il ne te rangera pas, dit Dieu, du côté de la multitude pour commettre le péché. Quittons-les l'un après l'autre. Que chacun de nous prenne conscience progressivement. Pour ne pas continuer à nous mettre à gonfler les... De plus en plus. Mettons-les en minorité. Isolons-les. Tu aimes ça? Ah. Moi j'aime ça. Bon, on est cette façon de faire. Le Seigneur, notre Dieu fidèle. Et encore, nous sommes bien, c'est bon. Moi j'aime cette manière. Prenez conscience l'un après l'autre. Prenons vraiment conscience. Pour que le péché ne puisse pas triompher parmi nous. Mais que le bien seul triomphe. Que l'obéissance au message triomphe. Chaque jour et chaque fois. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes en train de voir la première commission de William Branham. Vous allez comment est-il? Et notre désir était d'examiner la date historique. 11 juin 1943. Pour ça, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que Mukolo oyo ya mukolo zominama kosanza motoba mubu ya koto mokon kamali botu misatu na misatu. Et nous avions dit dimanche qu'il faudrait que le passage de psaume 118 le verset 24 se vérifie vraiment. Na bongo torobaki mukolo na lomingote nzela oyo totangaki ya banzembo mukama zominama mbe mulongo ya tumibale na mine ilande la mapenza yeba na sop mala mapenza kula. Ça disait c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et madame Colombette, oh yo, ils allaient dire mon colombo salia oui. qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Une journée que le Seigneur a faite. Parce que pour la date où le frère Branham a entendu la commission pour le ministère, le Seigneur est cité et William Branham est cité. Mais vous et moi, nous ne sommes pas encore nés à cette époque. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui était déjà en vie en 1933? Voilà. Donc, nous n'étions pas là. Mais il est écrit dans Actes des Apôtres que nous avons lu ici. Comment l'évangile du Seigneur Jésus-Christ a-t-il été rapporté? Où les événements ayant trait à cet évangile, comment ont-ils été rapportés? Dans Luc chapitre 1er. Il est dit au verset 2, suivons ce que nous avons transmis. Ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Donc, les événements que nous lisons dans les évangiles, l'évangile selon Luc, et les actes des apôtres, ces événements-là nous ont été rapportés. Et ils ont été mis dans des livres, des publications. Et c'est ce que Luc précise ici. Relisons verset 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont rapporté. Ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis les origines, de les exposer par écrit, d'une manière suivie. Excellent Théophile. Oh, Théophile. Vous avez vu? Bonani. Dans quel but, verset 4? Nantinani. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Donc notre défunt frère Luc, qui était un médecin, mais il s'est plongé ici dans le service de Dieu, selon la grâce que le Seigneur lui avait mis. Et il a commencé à faire des recherches exactes. Non pas à spéculer ou à répéter ce que c'est la vie, mais confronter le fait, vérifier point par point, comme il est écrit, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Nous l'avons lu dimanche dans 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 21. Et cette parole doit nous servir de guide jusqu'à présent. Nous devons toujours examiner toutes choses. Dans la marche, il faut le faire. Non, mon père, moi, je ne veux pas dire, de dire, nous, nous avons toujours appris que c'est comme ceci. Non, par le moment, vous vous asseyez, vous remettez. Vous cherchez un peu à apprendre comme un enfant. Vous ne connaissez rien. Vous demandez au Seigneur de vous apprendre quelque chose. Et c'est souvent bon. Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et il est révélé aux enfants. Le gouvernement dit que les enfants, ce sont ceux-là qui reconnaissent qu'ils ne savent rien. Qui se disposent à apprendre de la parole. Veux-tu être cet enfant? N'est pas à prétendre connaître quoi. Mais c'est disposé volontairement à prendre la parole de Dieu. Ô Seigneur, enseigne-moi. Ô Dieu, enseigne-moi. Apprends-moi tes voies. Je veux connaître ta volonté. Je ne sais, Seigneur, rien du tout. Mais tu es celui qui sait toutes choses. Enseigne-moi ce que je dois faire. Amen. Et c'est vraiment bien comme ça de l'appeler sur la scène. Que le Seigneur nous fasse vraiment cette grâce-là. Afin que nous puissions apprendre. Dans le psaume 86 ici. Verset 10 et 11. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Dans seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Amen. Nzambi yomoko monene mpe kosala kama kambona kokamwa yomoko wazali nzambi. Eh yawe, te yangai nzela na yo, na kotambola kati na solo na yo, te sangai motema moko ete na banga kombo na yo. Enseigne-moi ta voie. Demandant à Dieu de t'enseigner. Ce que tu ne connais par là, que tu ne connais pas grand chose. Mais tu veux que ce que tu connaîtras soit ce que lui t'a fait connaître. Est-ce que tu aimes ce genre d'humilité? Que le Seigneur te l'accorde. C'est vrai. Que le Seigneur t'accorde le même genre d'humilité. Nous aimons que lui, Dieu, nous enseigne. Qu'il nous enseigne. Qu'il nous montre ce que nous devons connaître. Mais ne prétendons pas par nous-mêmes connaître quoi que ce soit. Mais laissons que Dieu nous apprenne. Il a une très bonne chose. Dans le psaume 119 ici. Il est dit ceci. Il est dit. Le verset 26. Et 27. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Enseigne-moi tes statuts. Amen. Vous voulez bien? Amen. Que Dieu t'enseigne ses statuts. Ce que lui a statué. Ce que lui a établi. Lui-même Dieu te l'enseigne. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Amen. Et je méditerai sur tes merveilles. Amen. Je suis en train de dire que je suis en. Verset 33 et 34. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. Amen. Pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Amen. Et que je l'observe de tout mon cœur. Puisque Dieu t'accorde le même privilège. Il te donne l'intelligence. C'est vrai. Bongo. Il est capable de le faire parce que lui-même a dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ils seront tous enseignés de Dieu. En demandant ces choses à Dieu, il peut nous aider mieux que nous-mêmes. Voyons ici, au verset 65. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Amen. Car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Puisse Dieu donner à chacun de nous cet esprit d'enfant. Pour ce qui ressemble au petit. Que Dieu te donne cette humilité. Pour reconnaître que tu ne sais rien. Et qu'il t'apprenne ce que tu dois faire. C'est amen. Hein? Il faudrait qu'il en soit. Hein? Même au sujet de l'amour fraternel, il nous enseigne que c'est de Dieu lui-même que nous devons l'apprendre. Dans le 1 Thessaloniciens chapitre 4 ici, pour ceux qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Puisse Dieu vous enseigner. Mon frère, ma soeur, chacun de nous. Mais qui se simplifie. Si c'est face, heureux ceux-là. Ils hériteront la terre. Il y a un héritage pour les hommes. Mais les orgueilleux, Dieu ne peut pas résister. Il n'y a pas moyen. Dieu résiste aux orgueilleux. Ne t'enorgueille jamais. Fais-toi péter et Dieu te fera grand. Humilie-toi sous ta main puissante. De la manière qu'il voudra, Dieu le fera au meilleur moment. Alors nous nous venons pour apprendre. Et Dieu nous enseigne ses voies. Nous enseigne ses statuts. Nous enseigne l'intelligence. Que nous accorde cela. Alors, au sujet de cette commission, est-ce qu'elle a d'abord existé? Nalikambo etali, Moussalo était samaki. Ezalaka? Ezalaka nango? Parce qu'avant d'aller dans les détails, d'une date, un jour, bon, nous devons quand même être sûr que l'homme a existé. Mais si nous n'avons pas été là, et que nous voulons connaître la vérité, la Bible montre une des manières, c'est que ça peut aussi nous être transmis par ceux qui ont été les témoins oculaires. Biblia talisi bisote ikoki ko pesa merabiso na ba oyo domoni na miso. Et nous avons le dimanche vers la fin de la prédication. Peto tanga ki mukolo na lomingo na sokna liteya. Dans le sermon un procès. Na liteya isambisi. En anglais c'est a trial. En anglais ba lomingo na lomani wana. Prêché le 27 avril 1964. Était maquiné na mukolo na sambo sanza ya mine yi mubi ya koto mukolo. Alors le dimanche nous avons lu la traduction française de cela. Était na mukolo na lomingo tanga ki na ndimbola na lopoto ya yabo. C'était au paragraphe 83. Isaac na zela koto mukolo mamba na misa. Mais ici dans l'anglais c'est le paragraphe 183. Kasi awa na English ezali nde na mulongo ya mukama tuku mamba na misa tu. Là, le propre nom dit ceci. And I heard a baptismal service. Down on the river. Je vais dire ceci. J'ai eu un service de baptême là-bas. Nous à la rivière. En 1933. On the middle of June. Au milieu du mois de juin. Au milieu du mois de juin. Ça, il témoigne ce que lui a fait. Il a eu un service de baptême. Il est témoin oculaire. Alors, il y a un ministre qui a dit qu'il y a un ministre qui a dit qu'il y a un ministre qui a dit qu'il y a autour du 16 ou du 18 du mois de juin. Il y a qui soki na mokolo oyo ya zomi na motoba to zomi na mwambi ya sanza. Nous y reviendrons. Trois ans de la mort. Alors il dit. Abongo le dit. Et debout là. Ya kotere mwana. Il faisait très chaud. Moi, il y a qui plus de semaine. Parce qu'il n'avait pas plu pendant deux ou trois semaines. Et le pays chauffait. Tout autour là. Et j'étais en train de... Il y avait à peu près 7 ou 8 000 personnes dans les rivages. Ezalaki na batu pembeni ya nkoto sa moto mwambe nzinga nzinga na lobongongo. Et alors je suis en train de baptiser là, non, je suis descendu dans l'eau avec ma 17e personne ou la 17e candidat. Na kitaki wana na mayi na moto na ngai ya zomi na sambo pote na pese li baptisi. Et quand je commençais à baptiser, j'ai dit, et comme je baptise d'eau, puisse le Seigneur Jésus baptiser du Saint-Esprit. Pendant qu'il était en train de dire cette prière, alors qu'il a entendu la voix lui dire la première fois, lève les yeux en haut, regarde en haut. Et voyez là, Frère Branham rapporte ce qu'il avait fait. Êtes-vous là? Nous sommes là. C'était en quelle année? Année 1933. Très bien. Le mois de l'année? Sanza Yamubu Yango. Juin. Sanza Motoba. Les jours? Mukolo. C'est ce que nous allons examiner. D'accord? L'année est connue. Le mois est connu. Sans les jours, c'est ce que nous allons examiner. D'accord? Et une fois examiné, nous retiendrons ce qui est bon. Dans la prédication sur le lever du soleil. Prêché le 18 avril 1965. On parlera du fait. Je vais dire ceci. Ce matin, j'aurais bien voulu avoir assez de temps à consacrer à ce fait. Phénomène. Oui. Qui sans l'ombre d'un doute ont été confirmés ici même à l'église. Il parle de phénomènes, des événements qui sans l'ombre d'un doute. Vous ne devez pas en douter. Par ces événements-là qui se sont accomplis, ont été confirmés ici dans l'église. Ce sont des événements réels qui ne font plus l'ombre d'un doute. Les événements ont bel et bien eu lieu. C'était phénoménal. Peux-tu croire au témoignage du témoin Branham? Parce que pendant que ces événements se déroulaient, lui était vivant sur la terre. Un témoin oculaire. Et il voudrait avoir assez de temps. Ici même à l'église, ces 30 ou 35 dernières années. Ce phénomène là partait de quand? Depuis là à la rivière. Lorsque cette même lumière descendue ici à Jeffersonville en 1933. Les événements se sont produits. Ils se sont succédés. Mais le point de départ, c'était depuis là à la rivière. En quelle année? 1933. Et ça fait combien d'années aujourd'hui? Calcul mental. 2022 moins 1933 égale combien? 89 ans. Mais ici, à l'époque où lui parle, en 1965, il dit que ces phénomènes se sont produits ces quelques 30 ou 35 dernières années. Donc là, ça se compte encore autour d'une trentaine d'années. Mais aujourd'hui, c'est une quatre-vingtaine d'années. Mais le point de départ de ce phénomène, c'était depuis là à la rivière. Est-ce que la rivière en question, Ohio, existe-t-elle? Jusqu'à présent aux États-Unis d'Amérique, y a-t-il eu des touristes qui sont allés voir cette, confirmer l'existence de cette rivière? Toi qui voudrais soulever des doutes, je te demande de payer un billet d'avion, va aux États-Unis, renseigne-toi, dans la ville de Jeffersonville, il y a une rivière appelée Ohio. Tu ne verras pas cette lumière là-bas. Le jour même où cette lumière était descendue, ce n'est pas aussi tout le monde qui avait vu la lumière. Parce que c'était surnaturel. Il y en a qui ont vu. Il y en a qui ont fui. Il y en a qui se sont ébahis. Il y en a qui sont tombés pour adorer. Il y en a qui se sont questionnés qu'est-ce que c'était. Mais l'événement a bel et bien existé. Et c'était un phénomène. Et vous allez lui un phénomène. Et vous allez là. Depuis là-bas, la rivière. Et alors, il prononça ces paroles. Et même que Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer la première venue de Christ. Le message annoncera sa seconde venue. Nous sommes au temps de la fin. Et nous voyons cela. Nous nous demandons quelquefois pourquoi cela ne s'est pas répandu sur toute la terre. Un jour peut-être, nous aurons l'occasion de l'expliquer. Et Dieu le veut. Mais il aurait fallu que cette lumière-là sillonne partout. Écoutez, j'ai envoyé dans chaque ville, dans chaque village. Et que nous sommes dans le monde, de passants, de silence là-bas dans le ciel. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les gars. Miséricorde. Dans les sermons, Élie et l'offrande de farine. Dans les sermons, Élie et l'offrande de Le 10 mars 1960. Je suis si content ce soir. Je suis allé de l'autre côté. Aussitôt après les entrevues que j'ai dû avoir, et je suis allé prier. Et on dirait que chaque fois que je me retrouve sous ce soleil de désert, cela me donne encore plus envie d'y revenir. Mais il y a une chose au sein de laquelle je me réjouis ce soir. Et aussi longtemps que nous avons été ensemble, et ma femme, aussi longtemps que nous avons été ensemble, et elle a vu des grandes visions de Dieu se manifester et se réaliser. Non seulement Branham est témoin, mais sa propre femme est notre témoin. Et tu sais que Branham est témoin. Elle était là à la rivière. La fille de notre défunt frère, Frank Broil. Frank Broil était parmi les premiers diacres du Branham Tabernacle. Frank Broil, Azalaki. Depuis les années 1934. Alors, sœur Meda était sa fille. Elle s'appelait Meda Broil. Et frère Frank était Frank Broil. Frank avec Frank Broil. Et sœur Meda a été épousée par frère Branham le 23 octobre 1941. Son mariage-là a eu lieu 4 ans après la mort de la première femme de notre frère Branham, appelée sœur Hop. Et Libala Yango et Salamaki na mibu Brumbak. Nasima Yadiwa Yandeko Yabiso et Moshe Zak Hop Brumbak est décédé en 1937. Et Neko Moshi Hop Brumbaka Yakufaki na Mobu Yankotoma Kokama. C'était à peu près 4 ans après la commission dont nous parlons ici. Et Zarakinde Mibu Mine Nasima. Et frère Branham a dû attendre 4 ans avant de pouvoir se remarier. Avant de pouvoir se remarier. Ok. C'est vrai. Oui. Que Dieu soit miséricordieux. et que la vérité soit retenue. Et que ça, l'eau, et qu'on a combattu la mort. Maintenant, sa femme doit y paralyser sur Médan. Moi, si, n'ayez-vous, y a sali, qu'on a un de Médan. Il dit. Allons-y. Elle était là, à la rivière. À Jeffersonville. Quand l'ange du Seigneur fit sa première apparition. Quand le mange en colère, mon Isamaki. Et cela fut publié dans la presse. L'association de la presse, hein. L'organisation de la presse des journalistes appelée la presse associée. L'Ikita, l'événement dont nous parlons a existé bel et bien. Mais souvenez-vous de l'époque qui était témoin. À travers le pays. C'était en 1933. Elle s'éteignait là. Elle entendit la voix, mais ne vit pas la lumière. Est-ce que le Dieu de Paul est-il le même? Amen. L'on peut entendre la voix sans rien voir. Ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Avec Saul de Tarse dans Actes des Apôtres au chapitre 9. Voilà encore un événement similaire. La même lumière qui était apparue à Saul de Tarse. Avec les mêmes caractéristiques. Un témoin qui était là. C'est la femme, la future femme de William Vanna. Elle n'a pas vu la lumière. Mais elle a entendu la voix. Oh, gloire à Dieu. Alors que même le photographe des journaux a vu la lumière. Les programmes des journaux ont vu la lumière mais n'ont pas entendu la voix. Mais n'a pas vu la lumière. Et pourtant la lumière a même été photographiée. Mais la même lumière qui est même photographiée, une sœur qui était là n'a pas vu cette lumière. Quand il est en scène, ça fait son expérience. Il y a une riche diversité. Et quand vous mettez ensemble vos témoignages, c'est vrai. Mais elle était assez jeune à l'époque. Elle avait environ 12 ans. Elle ne vit jamais la lumière. Elle regardait les gens. Plusieurs s'évanouissaient. Et elle est restée là environ une minute pour ensuite remonter aussitôt dans les airs. Et les journaux en firent un grand article. Une lumière mystique apparaît sur un ministre baptiste de la région tandis qu'il baptise. Nama komina bango bakomakete pole moko ya kokamu kitakili kolo ya musali moko ya baptiste wana ya zaraki kate na ibale pona kopesa libati. La Bible Jesus ku Canada. Yango epalangani sama kitino na mboka Canada. La presse canadienne. Kati na bapalangani sina sango na mboka Canada. Chère église, est-ce que l'événement a-t-il existé? Yotali kamo mboka sa salamaki. Comprenez à quel point ceci est sérieux. C'était publié jusque dans la presse canadienne. Oh, mes chers amis. Que Dieu soit miséricorde. Que chacun puisse voir précisément. Dans les sermons, la guérison de la fille de Jairus. Et en allant à Mosakoli, le 25 Demande si la rue Spring Street existe. Se tenait sur la rive pour témoigner qu'à 14 heures. Voilà. Alors, on ben il a battu. Quand on s'apporte mambe, parce qu'il a libongo ole yango ya ibale yango. Te batta. De quelle heure? Nangonga ya zoni na zanga. 14. Ngonga zoni na mine. Témoignage de 7 000 personnes. Les tapons y a battu. Et toi, un seul individu, ou un groupe d'individus, un groupe de 20 personnes, ou je sais pas, vous allez commencer à dire non, nous ne croyons pas. Même s'il faut comparer, vous n'étiez pas d'abord là, ceux qui étaient là étaient des milliers, ils ont dit que c'est là. Ils ont témoigné qu'à 14h, en juin 1950. La colonne de feu est descendue ici. Et elle reste suspendue au-dessus de l'endroit où je me tenais. Au-dessus de l'endroit où je me tenais. Suspendue. Témoignage de près de 8000 personnes. Paragraphe 86. Le journal courrier. Le Tasa Oyo et le Times News. Times News. Non, c'était. Oh, Abraham fait claquer les autres. Il dit, je retrouverai le nom du journal dans un instant. Nakozua Lokasa ya. Combo ya Lokasa Moko Palang Sasamo. Fais là pour ouvrir ça. Vous allez combattre que. Si je peux me le rappeler, le journal de l'Ismail avec un grand article, il disait, une lumière mystique apparaît au-dessus d'un évangéliste local, Baptiste, pendant qu'il baptisa la rivière. Et le moko ya kokamwa ya kinde kotela makali kolo ya mosali moko ya babatisa tango azali kinde kupesa kali batisa kati na ibali. Une chose très mystique. Et loko moko ya kokamwa koleka. Les gens n'arrivaient pas à comprendre. Bato bakoka kite ko sosola. Tous se sont évanouis dans la présence de cette lumière. Mingi bakoya ki makala kale tango pole yango kitaki. L'ange du Seigneur est directement descendu. Et il est resté suspendu au-dessus de l'endroit où j'étais. Enfin, le nom du journal vient. Ah. Le héros de Louisville. Mm-hmm. Le nom du journal qui avait publié ça. Le héros de Louisville. Le héros de Louisville. Le héros de Louisville dans le Kentucky. C'est là-bas qu'il y avait ce journal qui a publié ça. Et si Kayangonde. Que Dieu soit miséricordieux. Parce que l'événement a vécu. Il a bel et bien existé. Au courant d'une année connue. 1933. Au courant d'un mois précis. Quel jour? Examen. Voilà notre seul collègue. Quelle heure? 14. Êtes-vous là? Vous allez là? Vous aimez la vérité? Voyons encore un dernier témoignage. Pour que vous puissiez voir tout autour de ce qu'il y a. Un homme qui fuit la face loin de la face de l'Éternel. Prêché le 17 février 1965. Et paragraphe 136. Eh bien, s'il y a ici un prédicateur, mes frères, je ne veux pas que vous, que certains d'entre vous, les membres Vous retourniez dans votre église et disiez, frère Branham a dit ceci et cela. Vous commencez à aller vous promener avec le nom de frère Branham. Frère Branham a dit ceci. Vous tournez dans vos églises. N'allez pas avec le nom de Branham. C'est le nom de Branham. Je suis tenu par le devoir envers un message qui m'a été confié par le Dieu Tout-Puissant. Comme je n'étais ici ce soir, et de ce que ce soit, juste à cette rivière, il y a peut-être des gens assis ici. Qui étaient là? Oh, bah, allez, coupé, wana. 1965. Quand l'ange du Seigneur est descendu là, et il m'a dit ce qu'il m'a dit juste là en 1933. Sur cette rue Spring. Si vous n'êtes pas d'ici, vous m'écoutez maintenant. Vous n'êtes pas d'ici. Prenez carrément le tournant de la rue Spring. Là vous arriverez à la rivière. Et c'est là que la chose est arrivée. C'était en 1933. Qui a entendu la vérité comme ça? Cela fait probablement 32 ans donc. Ça fait 32 ans. Et de voir comment depuis ce jour-là, il a accompli cela, chaque chose, nous sommes allés apporter le message. Nous avons vu les malades guérir et se guérir. Les aveugles et les infirmes, les boiteux. Nous avons vu même les morts. Donc nous sommes sûrs que le décès avait été attesté. Il y a eu des gens qui sont morts. Et qui ont été instantanément ramenés à la vie. Et toutes ces choses. La conclusion de la pensée c'est quoi? Quand un message est proclamé, il y a des signes et des prodiges. Sachez qu'il en est de même jusqu'à présent. Tant que son message est proclamé, vous ne serez pas pauvre à miracle. Mais Dieu est riche à miséricorde. Et de prodiges. Assez confiance à ce Dieu vivant. Au Dieu qui était descendu à la rivière. Que notre témoignage est vrai. Le témoignage de Frère Branham est vrai. L'instauration de Branham est vrai. Les 8000 personnes qui étaient là est vrai. Ils ne peuvent pas tous se mentir comme ça. On les aurait corrompus avec combien? Pour que tous se trouvent. Notre Dieu est phénoménal. Jéhovah de miracles. Jusqu'à présent, il fait encore des miracles. Il y a une chose qui paraît impossible. Ce Dieu-là qui a fait dans un ciel si chaud. Tout le monde a des choses dans une crise. Mais Dieu l'a produit le surnaturel. Ce qui s'est manifesté sans la demande d'aucune personne. Et le moment de la prière de quelqu'un. Souverainement. Et il est le même dans notre vie. Lui-même, pour lui. accomplir le programme. Il peut lui-même délivrer ce programme. C'est le force du mal qui est en fait. Il peut lui-même le faire. Avant même que tu ne lui demandes. Maintenant que tu lui as demandé de faire. Moi, il est capable de chausser. Il est le Dieu qui produit des prodiges. Il fait des miracles autres. Des choses phénoménales. Pour sa gloire. Pour que ta vie soit empreinte de sa gloire. Que Dieu te bénisse richement. Pour pouvoir nous mettre une virgule. Parce que le temps touche à sa fin. Nous allons poursuivre prochainement. Je vous ai dit qu'il y a de bonnes choses. Amen. Boya, tokabola, biloba malam. Amen. Boya, boyaka, tokabola, biloba malam. Amen. Est-ce que tu viens à pourquoi? Est-ce que tu viens à Kitoko. Oh, attends, vous pouvez qu'on a la pongue à ma casse, hein? Mais comment nous bizarre, hein? Ce qu'on a dit qu'on a la pongue à ma casse, oh, je n'ai rien attendu. Oh, Moutamoutou. C'est quoi ça? Non, non. Il y a des bonnes choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donne-nous des mots pour la prière. Tout le monde pour la commande là. Amen. Amen. Large, large, pedra d'amour, Seigneur, je reviens. J'ai perdu des précieuses années, maintenant je reviens. Je reviens, je reviens à la maison pour mes plus périls. Jésus, ouvre la jette et va d'abord. Seigneur, je reviens, mon amour vient, je Amen. Moi je reviens, je reviens à la maison, mon seul espoir, ma seule défense. Mon seul espoir, ma seule défense. Ben, toujours, et que Jésus, il mourait pour moi. Mourait pour moi. C'est que l'agneau connaît. Et je reviens, oh, je reviens. Je reviens. De mon roi à la maison. Parlez plus éveillé. Calache. Oh. Dada mort, Seigneur, je reviens. Moi, je reviens. Je reviens. Mon Dieu me voit à la maison. Qu'on est plus éveillé. Ouvre l'argent. Ouvre l'argent. Accueille-moi, accueille chacun de tes enfants, Seigneur. Ma chère âme, reviens le Père sacré du Seigneur, reviens la vie de consécration, reviens la sanctification, reviens la vie de prière. Il est plus tard que tous les hommes. Jésus-Christ revient. Maranatha, Maranatha. Il est plus tard, il est plus tard, il est plus tard. Tant que vous collez, tant que vous collez, quittons les distractions. Oh miséricorde, Seigneur. Clément, la paix. Dieu bien-aimé, Père de sainteté. Nous nous tenons devant ton trône en toute humilité. Pour t'exprimer notre remerciement. La reconnaissance de nos cœurs. La gratitude. Car tu es le Dieu qui fait des merveilles. Qui produit des phénomènes. Quand ton message est proclamé, il y a des signes et des prodiges. Ton message aussi vient d'être proclamé ce soir. Nous nous attendons au même résultat. Dieu de l'église primitive, qu'il a fait croître dans la paix, qu'il a édifié dans la foi. Tu as promis que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Nous entendons parler du retour de la colonne de feu. Elle est déjà effectivement dans l'église. Les témoins qui l'ont vu sont nombreux. Nous aussi à notre temps, nous l'avons vu. Au milieu de nous, tu es là. Réveille ceux qui dorment. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas. Qui voit sa gloire. Nous voulons quitter les convoitises. Les souillures du monde. Tout péché, les filles. Car tu enverras tes anges en ce temps. Pour chasser les royaumes. Ôter les royaumes. D'où les scandales. Ceux qui commettent l'iniquité. Croyons à ta fidélité. Ne nous laisse pas sous le jugement. Mais attire-nous sous ta grâce. Utilise-nous dans ton plan. Comme des instruments pour ta gloire. Retire-nous de la vie du péché. De la honte. Et nous voulons vivre pour toi. Comme des vainqueurs. Des croyants restaurés. Visités par le Saint. Marchant sous ton puissance. Saint-Esprit de la pensée. Exauce toutes nos prières. Et délie chacun de nous. De toutes les forces du mal. Tous les emboutements. Toutes les malédictions. Ôtez-les. Que nos vies prospèrent. Que notre foi progresse. Que les changements notables se fassent. Parce que tu es le même Dieu. Il a promis la restauration. Qui manifeste la restauration. C'est un grand jour sur la réalisation. Que notre foi soit honorée. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions et t'adorons. Amen. Veuillez vous asseoir. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ.